Ouais, ça va Lim? Alors quoi de neuf? Demain? Franchement je sais pas. Pourquoi tu fais quoi demain? Demain je fais quoi? On ira où Limsa? Où sont nos rêves de gosse? Demain je fais quoi? On ira où Limsa? Où sont nos rêves de gosse? Assis en solo, dehors c'est triste et gris et dans ma tête c'est pire. Mon cœur balance soupir pendant que je vomis mes souvenirs. Je me suis lancé corps et âme, rap mon seul amour. J'ai fini sous la lame quand celle à qui je n'ai pas osé le dire est parti pour toujours. Y a tant de regrets, de choses inaccomplies dans nos vies. Je sais pas si t'as remarqué Lim, c'est quand tout part en couille que le reste suit. Sans problème de monnaie ce serait simple, descendre sans mélancolie. Oh Mike j'aimerais bien déconner et pas parler de cette triste vie. Le pire c'est demain, si on assume aujourd'hui. Que nous promet l'avenir, j'ai peur qu'au loin y ait la nuit. Mais fuir c'est trop simple, et toi et moi on est des battants. Des hommes d'honneur, des couilles pour dire à Satan va-t'en. Mets tes platines, mon Mike ça va nous mener où? Le monde est à nous, mais y a des jours où le cœur est serré. Faut que je me libère, attendre impatiemment l'été pour que meure l'hiver. Demain je fais quoi? On ira où Limsa? Où sont nos rêves de gosse? L'Assomption, je croquais la ville. Demain je fais quoi? On ira où Limsa? Où sont nos rêves de gosse? L'Assomption, je croquais la ville. Demain je fais quoi? On ira où Limsa? Où sont nos rêves de gosse? L'Assomption, je croquais la ville. Demain je fais quoi? On ira où Limsa? Où sont nos rêves de gosse? L'Assomption, je croquais la ville. Où sont mes rêves de gosse? J'ai pris la pose du penseur. De vagues souvenirs pour ceux que j'ai aidés et qui ne m'ont jamais renvoyé l'ascenseur. Je m'en moque, vis-à-vis de Dieu, je suis clean. Et puis je l'ai pas fait dans le but. On verra bien sa pite faire la pute. Tu sais, celle que j'ai pris dans mes bras, j'étais croque. Elle m'a trahi, j'ai craqué. C'est dans ces moments seuls qu'on pense à l'avenir. Faire à nouveau confiance ou bien s'abstenir. Chaque jour qui passe est une grande claque dans la gueule. Vivre en communauté, se méfier de tout le monde ou bien rester seul. J'en ai passé des soirées à méditer. Être aimé de ceux à qui j'avais donné, je croyais que j'avais mérité. Demain je fais quoi? Est-ce que j'aurai des gosses et que je les aimerai comme mes parents m'ont aimé? Est-ce que je pointerai toujours à NPE ou je fais de l'argent avec mon phrasé? Attendre impatiemment l'été pour que meure l'hiver. Demain je fais quoi? On ira où Limsa? Où sont nos rêves de gosse? L'Assomption, se croquer la vie. Demain je fais quoi? On ira où Limsa? Où sont nos rêves de gosse? L'Assomption, se croquer la vie. Demain je fais quoi? On ira où Limsa? Où sont nos rêves de gosse? L'Assomption, se croquer la vie. Demain je fais quoi? On ira où Limsa? Où sont nos rêves de gosse? L'Assomption, se croquer la vie. Un jour de pluie de plus, mon âme est trempée. À croire que sournoisement la vie m'a trompé. Et merde, j'ai eu le malheur de me pencher sur mon avenir. J'étais pas prêt à croire que j'ai pas vu la souffrance venir. Les temps sont durs et je crois que les jours qui suivent sont sombres. Faut pas qu'on sombre. Chaque prévision injecte son venin. Me contamine d'incertitude, finit par gangréner mon destin. Chaque doute, chaque soupir, une goutte de plus pour ma vie pourrir. Et dans ces moments-là, je remballe mes rêves. Avec ma tête propose une trêve, m'allonge et plonge mes yeux au plafond. Les pépites sèchent, peut-être qu'il faudrait pleurer. Mais sport faute de son sort n'arrange rien, faudrait pas se leurrer. Parfois écœuré, je me dis qu'on est pourtant pas tant à plaindre que ça. Y'a pire que nous, et y'a juste à regarder autour de soi. Autour de soi. Je reste seul dans ma tête. Demain je sais pas ce que je ferai. Je reste seul dans ma tête. Demain je sais pas ce que je ferai. Demain je sais pas ce que je ferai. Demain je fais quoi? On ira où Limsa? Où sont nos rêves de gosse? L'Assomption, se croquer la vie. Demain je fais quoi? On ira où Limsa? Où sont nos rêves de gosse? L'Assomption, se croquer la vie. Demain je fais quoi? On ira où Limsa? Où sont nos rêves de gosse? L'Assomption, se croquer la vie. Demain je fais quoi? On ira où Limsa? Où sont nos rêves de gosse? L'Assomption, se croquer la vie.